le plus on est sain, le mieux qu'on pense, le plus vrai qu'on est avec soi, quoi. Car l'intérieur de soi est pur, alors ce qui en sort est un peu plus pur. Malgré la bœuf. Des fois la vie c'est vraiment ça, les trop de mes potes enseignent. D'amour et de savoir ensemble, c'est ce que les autres enseignent. Un long freestyle, j'ai du mal à condenser. Du new school ou sur une prod ancienne, je te fais part de mon potentiel. Quand les souris dansent le charican, pas de match amical ni dame charitable. Besoin de rien ni char ni gun, en gros je suis Charlene Garce avec un Sharingan. Rien à foutre de leur supercherie, je jalouserai par ça même si t'es chérie. C'est pas de ma faute à moi si t'es du père chéri. Pas les couilles, demande au roi Enoch, j'ai pété leur cheville. Give me five cousin, j'ai bien observé l'ennemi à 10 000 fois cousin. Mental de Yakuza, la vie est un combat, mort comme pour le fight cousin. Pétard posé à Polva, ou suspecté pour vol. On emmerde le pouvoir à la Benoît Poulva. Ils sont nostalgiques, un gros cigare cheaté mais gentil vague. Le truc est le même, fuck l'oligarchie, force aux antifa. J'vois que pour l'instant tout est cool et calme. La vérité j'entends rien, vous êtes tous les gars. Mes enfoirés on est ensemble dans tous les cas. C'est maintenant foutez la merde comme des hooligans. J'dis que ça dégénère mais l'armédia ne calcule pas, j'vois ça j'ai l'air bête. Quand la plupart ne veulent que Philippe Lain et Hermès. Pour ma part j'continue jusqu'à j'ai les nerfs mec. Pareil que j'ai tout juste sous-côté au micro ressens-tu l'essence. Peut-être que mes choix ont compromis la route. C'est la course au buzz qui t'a mis tout dans tous les sens. Pour percer faudrait que je fasse mon coming out. Non. Ici le soleil frappe, 34 degrés, ça manque d'action. Sale propagande, fragmentation, allocation, lamentation. Les petits butent à la codéine. Dès qu'il a le moral à poule en tease. Dans vos yeux je vois bien trop d'haine. Donc j'esquive les marabouts comme Gims. Inoubliable comme les perles à papin. Un grave qui coule, j'en parle à pimpin. La politique, rien à foutre, demande à râler de fric. C'est que de la poule de perles à pimpin. Sur le terrain tel Diego Maradona. Pas de point, c'est que je suis un marathon man. Mille remises en question par album. J'rappe, j'fais mal à ton ego mal. J'ai tous les gars, je tape des barres dans la part, ça se cogne au shit. T'as qu'à m'en tape, demande à part ce que je veux, c'est de la scotogy. Ma voix envahit zoologie. Un match fait trembler tes boomers, expérience sismologie. J'comprends que ça vous effraie quand les insultes de cœur décorléole. J'espère ne pas être trahi par mon frère comme Michael Corleone. J'comprends que tu triches, l'argent va pas t'attendre, c'est la crise man. Si je deviens riche, moi aussi j'ferai des signes de gang à la crise man. Hein? Arrête de dire, tu braques menteur. Déterminé comme Mark Landers. 4 ans que Mary Mark Lunder. Que le public chante mes tracks en cœur. Vise et barre-toi vite, fils. T'es pas le caïd dans le système archaïque. Un mic et j'kick ma haine. Depuis longtemps, demande à Kif Cayenne. Rien n'a changé déjà à l'époque, c'était le foot ou les mots. Des années que j'suis là en vrai, pas besoin d'une foutue démo. Ça fait kiffer quand les gens disent même dans tes fruits, tu démons. D'après la légende, ce MC a mangé le fruit du démon. Moi, j'vais foutre le faillage, j'vais jaillir. Vas-y, dis-moi à quoi ça sert de faire les Kaira et Zahir. Moi qui aimerais les voir briller, j'vois mes parias tressaillir. Toujours des frissons quand j'entends crier ta haine, j'ai Zahir. À l'ancienne comme couleur, j'fume le Zamal. Fils d'immigré, ouais, on a mal. Tous dénigrés, on n'a pas demandé sa manne. On veut le summum, pas la fin d'Ousama. Mec de quoi tu te plains, tu penses que t'as pas de fric mais tu te rends compte que ta vie au fond c'est des fables. Je répète de quoi tu te plains, quand tu galères pense une seconde à l'Afrique et au franc CFA. J'suis dans un half-pipe, grosse plif au bec comme un toxicobète. Clashé j'ai pas le time, tu parles sur moi mais tu trouves chaque titre obèse. Toujours caché sous ma casquette, je suis là pour que tu m'écoutes, je m'en bats la race qu'on me voit. Et je fais ça avec le cœur, le seul but c'est que les sons résonnent de la paillade jusqu'à pont de bois. Peu à peu je vois les vrais visages, peu à peu les masques tombent. On me dit tu fais de la trappe, fais gaffe, faudrait pas que la masse te dompe. Kick et joue avec les mouvements, les vrais passent devant. On tourne en Suisse, Belgique, France sur scène des vrais mastodontes. M6 te plaît, ne me parle pas de ton argent quand le peuple agonise. Est-ce un outrage à agent, si dans le mien je dis fuck la police. J'suis loin d'être ce mec typique du sud, ni même ce MVP. Ici le soleil te pique du sud. Bienvenue à MTP. J'te fais rire mais tout va mal. Bonjour tristesse.